Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com pour le 26e numéro de Sur nos écrans. Comme chaque semaine, nous allons vous proposer un petit récap de notre semaine série. Le bilan sera consacré cette semaine à la saison 1 de Fear the Walking Dead qui s'est terminée il y a maintenant 15 jours. Et puis, on vous fera le débrief de saison première de The Walking Dead qui est revenu la semaine dernière pour sa saison 6, épisode qui, à coup sûr, va susciter un vif débat entre nous. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 26e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Léo. Salut à tous. Elodie. Bonsoir. Et Irish qui nous rejoint ce soir. Salut à tous. Alors, on va commencer. Le récap de la semaine. On va essayer de se tenir aux règles cette fois-ci et de ne pas déborder comme les semaines précédentes. Donc, nous avons 90 secondes, 1 minute 30 chacun pour faire notre bilan de notre semaine série. Et pas une semaine de... Une, pas une semaine, non. Même pas une semaine, même pas une seconde non plus de plus. Même toi, Léo. Attention, il y a un chrono. Qui a tenté qui a tenté vilement de négocier 30 secondes supplémentaires, non. Bah quoi, c'est de bonne guerre. Hein. Allez, je vais commencer pour vous parler cette semaine de Gotham. Alors moi, j'ai vu pour Gotham les épisodes 2 et 3 de la deuxième saison, fameux diptyque sur le Joker. Et j'avoue qu'après avoir vu le deuxième, j'ai enchaîné avec le troisième. Comme quoi, il y avait peut-être suffisamment de trucs pour voir un petit peu jusqu'où il allait dans la folie de ce personnage. T'emballe pas, Léo. Et il se trouve que le quatrième était diffusé au moment où j'ai regardé le troisième et je l'ai pas regardé, hein. Donc c'est dire que la fin de ce troisième épisode, bah, douche froide. Il faut y aller petit à petit. Non, mais non. qu'est-ce que je retiendrai de Arrow? Je retiendrai une magnifique momie. Ouais, alors qu'elle est morte quand même depuis très peu de temps, hein. Elle est quand même déjà dans un état de décomposition assez avancé. Belle image. Spoil. Ah, j'ai pas dit qui ça s'agissait. Oui, bah, il faut pas être. D'abord, on se répond pas sur cette partie. Sur AOS, je retiendrai Agents of Shield. Qu'est-ce que je peux retenir de ça? Pas grand chose. Ouais, j'ai un petit peu traversé l'épisode sans trop m'accrocher, comme The Flash cette semaine, voilà, c'était un peu bien, mais sans plus, quoi. C'était vraiment en demi-teinte, et puis The Flash pour ce qui est de Flash of Two Worlds, ouais, c'était plus un épisode sur Vibes pour moi que sur Flash, sur les Flash des deux mondes, donc j'étais un petit peu déçu de ce côté-là, mais bon, c'était plutôt sympa. Voilà pour ma semaine série, et évidemment, je n'ai pas dépassé le temps. Arnaud, à toi. Après le premier épisode, j'ai pas continué Gotham ni Heroes Reborn. Pour Arrow, on va éviter d'en parler, sinon je risque de m'énerver. Mais j'ai vu le retour d'iZombie, donc que j'ai beaucoup aimé. Donc un petit peu de retard, hein, de semaines. J'ai adoré le retour d'iZombie. De bonnes idées, surtout avec Major. Donc à voir comment ça se développe par la suite. Agents of Shield, moi au contraire, j'ai adoré l'épisode. Je trouve que la saison continue sur la même lancée, la même constante, et j'adore ça. Et The Flash, moi qui n'avais pas trop apprécié le premier épisode de la saison, j'ai beaucoup plus accroché à ce deuxième épisode, que j'ai trouvé très plaisant, très référencé. Et il y a autre chose que juste du fan service, comme certains pourraient le dire. Et donc j'ai passé un excellent moment, et ce qui m'a donné, même si on n'a pas appris énormément d'informations nouvelles ou de choses qu'on aurait pu deviner par nous-mêmes, j'ai passé un excellent moment et ça m'a redonné confiance en ce début de saison. Ok, bon alors plutôt une bonne semaine du coup. Ouais. Et toi Léo? Alors j'ai réussi à enchaîner à peu près tous les épisodes que je voulais voir. J'ai été comme toi Mathieu déçu par The Flash. Franchement on nous a annoncé Flash of Two Worlds et je trouve que c'était un espèce de feu de paille. Histoire d'amener, il y a eu la grosse référence à la couverture du comics originel et j'ai trouvé vraiment que c'était une espèce de cache-misère. Enfin j'étais vraiment déçu, je m'attendais à nettement mieux. Quant à Gotham, bon, on va pas. Voilà, moi je continue d'apprécier la série. Je regarde avec vraiment un bon intérêt. Vous n'êtes pas rendu, je vais continuer de vous la défendre. J'ai vu quoi? Oui, Heroes Reborn, je trouve que c'est pas mal, que ça continue à se maintenir, mais que ça reste légèrement précaire. Il manque quelque chose qui solidifie un peu l'ensemble, qui le rendent vraiment carrément passionnant, où tu entres dans le truc, où voilà, les préoccupations des personnages deviennent aussi les tiennes. Enfin, voilà, tout ce qui fait notamment Agents of Shield, dont j'ai adoré l'épisode. Je trouve que cette série s'écrit de mieux en mieux. Je trouve qu'il y a un niveau de maturité qui me surprend, mais de façon assez incroyable. Donc je suis vraiment, vraiment, je deviens de plus en plus fan d'Agents of Shield. J'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième épisode. Et voilà, c'est tout pour moi. Bravo Léo. Minute 30. Eh, voilà. Élodie, qu'est-ce que tu retiens de ta semaine série? Grâce à Anatomie, tu gâtes. Ah, pardon. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait le podcast avec vous, donc Tu dois avoir des choses à nous dire. j'ai à jour, je suis pas sur la tentative. J'aime beaucoup ce début de saison, même si ils ont un peu trop accéléré l'intrigue autour de Simon, c'est dommage. À part ça, qu'est-ce que j'ai bien nommé ou pas? Arrow, j'ai juste vu le retour, le premier, donc voilà, j'attends de voir la suite, on va dire. Merci pour le spoil. J'ai pas repris Flash, ni à Izombie. Ah, oh, pas le temps, c'est pas ma priorité. Voilà, je crois que c'est tout, puisque j'ai abandonné Gotham. Évidemment, je suis à jour dans The Walking Dead. Évidemment. C'est pour ça que tu trépines d'impatience d'arriver à la fin de cette émission. Exactement. Irish, ouais. Bah ouais, exactement. Bah, je suis un peu d'accord avec quelques trucs que j'ai entendus ici et là. Agent of Shield, j'avais arrêté et j'ai repris la partie de la saison 2. Je dois dire que je suis vraiment de plus en plus emballé par cette série. C'est ma série favorite aujourd'hui. Et je trouve que ça alterne pas mal entre, par exemple, l'épisode de la semaine dernière qui était, on va dire, qui était plutôt, on va dire, comment expliquer, c'était pas vraiment intéressant dans le fil conducteur de la série, mais la fin c'était très accrocheur avec Simmons et autant, et l'épisode de cette semaine, j'ai beaucoup aimé, c'était très rythmé, c'est de plus en plus cette série, elle fait vraiment partie de mes favoris. Donc c'est ça, c'est le plus. J'ai regardé quoi d'autre? Flash, The Flash. C'était pareil comme toi, Mathieu, je trouvais, bon, j'ai regardé sans plus, un peu en dilettante, c'était pas très passionnant. Bon, moi j'ai un petit problème, peut-être vous, fan de comics puriste, ça me fait plaisir de voir le Flash Jay Garrick avec sa casserole sur la tête. D'ailleurs, ils le décrivent comme ça, mais ça a un côté un peu ridicule. Je sais pas pour vous, je suis assez Arrow. Arrow, je sais pas si je peux spoiler Arrow. Non, apparemment non. Il te reste 8 secondes pour le faire. Ah, d'accord. Bon, bah, Arrow, un peu déçu dans la lignée de la saison 2. Ok. Donc, et Heroes Reborn, je pense qu'on a les mêmes recettes que la que qui ont fait que la série s'arrête. Je vais arrêter bientôt, je sais. Voilà. Et ben voilà, on a à peu près tous tenu notre pari. On va passer maintenant à notre bilan de Fear the Walking Dead. En tout cas, ce qui ressort de nos semaines différentes, c'est que certains débriefs prochains s'annoncent assez intéressants. Fear the Walking Dead Bah, maintenant. Sur Flash notamment, j'ai l'impression. Sur Flash notamment, ouais. Fear the Walking Dead, donc la saison 1 a été diffusée cet été, elle s'est arrêtée, alors il y a 2 semaines et demie maintenant, si vous écoutez le jour de la diffusion cette émission. Série en 6 épisodes, on avait parlé déjà des 3 premiers, si ma mémoire est bonne. Ouais, deux ou trois, Deux ou trois premières, enfin, voilà, on a fait un petit point. Deux premiers, ouais, parce qu'il y avait eu le break d'une semaine. C'est ça. On avait fait un petit point, voilà, sur ce début de série. Petit point plutôt mitigé, attendons de voir la suite pour voir si oui ou non ça vaut le coup et si ça se démarque un petit peu de la série principale. Je vais vous demander pour commencer chacun rapidement votre avis maintenant que la saison est terminée. Alors, Fear the Walking Dead, est-ce que ça valait le coup, Arnaud? Pas vraiment. Le début, non. On va pas revenir sur les 2 premiers, mais les 2 suivants étaient pas extraordinaires non plus. Donc pas super donné envie. Mais les 2 derniers étaient, comment dire, étaient assez divertissants. mais ça reste toujours dans la même lignée que The Walking Dead. Et je pense qu'ils ont réussi à corriger certaines erreurs de The Walking Dead, mais à côté de ça, il y a d'autres erreurs bien emmerdantes. Donc, si Fear the Walking Dead n'avait jamais existé et si la série avait été annulée après cette première saison, ça ne m'aurait pas dérangé. Ok. Elodie, as-tu un avis contraire ? Je suis pas aussi radicale qu'Arnaud parce que j'ai trouvé que Fear the Walking Dead, qu'elle était utile comme série en soi. Enfin, c'était intéressant de voir le début, on va dire, de The Walking Dead, enfin, l'arrivée du qu'ils appellent le virus. De là, est-ce que c'était vraiment indispensable ? J'ai trouvé que la série était divertissante, sympathique, mais pour le coup, je la trouve beaucoup moins prenante que The Walking Dead. C'est dire. Tu m'as tué là. Les personnages sont beaucoup moins attachants. Elle est courte qu'avec les 6 épisodes, mais en même temps, elle prend son temps. Et j'ai l'impression qu'on s'attache que vraiment vers la fin à certains personnages et encore pas tous. Ouais. Pour moi, il y aurait plus de mourir, ça aurait pas changé ma vie. Eh ben justement, Erich, ton avis, toi, sur cette première saison ? Moi, je la trouve un peu, je vais dire presque inutile. Moi, j'ai l'impression d'avoir une sorte de sous-The Walking Dead à nouveau. Parce que, comme tu disais, on comprend d'où vient le virus, mais absolument pas, je sais pas. Je me retrouve toujours pas et j'aurais pu répondre. Ce que tu comprends, c'est qu'on voit comment les gens réagissent par rapport à l'arrivée du virus. C'est un peu là ma déception. J'ai pas eu l'impression qu'on voit vraiment leur réaction. On s'est figé sur 2-3 personnages, ok, mais tu te retrouves très vite dans l'univers de The Walking Dead, dans l'après, dans le constat. Dans la survie, quoi, en fait. Voilà, exactement. Tu retombes très vite dans le survival. Et c'est vrai que j'ai un peu déçu. Mais dans une petite ville où ils peuvent pas vraiment sortir, c'est plus ou moins des prisonniers. Donc du survival. Exactement, donc on est déjà directement dans le survival. On n'est pas en plein avec... Tu vois pas la fin de la société. Exactement. Qui est déjà dans l'après, dans la société qui est détruite. Et du coup, il y a ce petit camp de réfugiés avec, de l'autre côté, ce complexe militaire. Bah, tu vois tout de suite dans l'après. Non, mais je suis d'accord, ça va beaucoup trop vite. T'as l'impression que d'un coup, ils découvrent qu'il y a quelque chose de pas normal, et puis tout de suite, c'est la fin du monde. C'est ça. Mathieu, j'avais écouté la dernière... Mathieu ? Oui, vas-y. Oui, j'avais écouté le podcast que vous aviez fait là-dessus, et j'étais totalement d'accord avec toi sur un fait. Lorsque tu disais, dans la série, ils sont déjà au courant que tu peux, t'as pas besoin d'être mordu pour te transformer. Alors que dans la série originelle The Walking Dead, ça met un max de temps avant qu'ils se rendent compte. Oui, c'est sûr. Moi, c'était l'incohérence que je soulignais effectivement la dernière fois. Bon, on n'était pas tous tout à fait d'accord, mais moi ça me saute toujours aux yeux effectivement que tout le monde a l'air au courant et que tous les morts reviennent et pas seulement ceux qui sont mordus, alors qu'ils mettent 3 plombes à s'en rendre compte dans l'autre série. Exactement. Mais dans l'autre série, c'est presque à la fin lorsque le lorsque son ami qui se relève alors qu'il venait de le tuer, il s'apprête à le mordre, il se fait tuer par son fils. C'est ça. Ouais. Dans la série, il y a j'ai noté également cette incohérence. Il nous reste Léo, toi, ton avis, on imagine pas hyper positif. Est-ce que tu vas réussir à trouver un point positif à cette saison ? Oui, l'épisode 5 notamment cet épisode 5, pour le coup, j'étais assez surpris parce que je trouvais qu'il y avait des promesses qui, enfin, c'est ce qui s'est un petit peu, et qui étaient plutôt intéressantes sur le plan thématique, sur la manière, sur l'espèce de différence d'ambition entre les militaires, le village, la panique, tout ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était de manière assez surprenante, relativement maîtrisé, et donc je m'attendais à un final un peu meilleur que ça, et le final a pour moi absolument tout foutu en l'air. J'ai trouvé que c'était extrêmement mal filmé, que c'était extrêmement mal mené, surtout, Pardon? Je dis que c'était un peu grossier aussi. Avec que c'était un peu quoi, pardon? Grossier. Tous les zombies sortis de nulle part, là, comme ça, pour faire un final un peu explosif. Oui, aussi, oui. Bah oui, surtout, ils nous ont mené un final, enfin, un final d'épisode 5, il me semble, où le comment il s'appelle, le barbier, la trouve. Oui, il trouve le rempli, et puis là, donc, voilà, ça fait presque un peu Deus Ex Machina, une horde de zombies qui débarque, qui poutre un nombre incalculable de militaires, bon, là, après tout soit, mais après, l'espèce de séquence où c'est tourné de manière extrêmement bizarre, extrêmement dégueulasse, j'ai trouvé, où il y avait de la lumière qui venait, qui partait, tout ça, comme dans un espèce de mauvais jeu de survival horror où tout le monde essaye de survivre tant bien que mal, et où au final j'ai trouvé que c'était des espèces de poudre aux yeux, qui avait un nombre, enfin que c'était vraiment mené dans le sens pour essayer de nous faire sentir de l'angoisse, mais que c'était tellement tiré, que c'était tellement qu'on sentait vraiment que la série voulait nous tirer les larmes, que j'ai tout de suite opéré un rejet, et j'ai encore plus opéré un rejet sur les deux dernières scènes, là où on découvre, on peut toujours spoiler, hein, de toute façon, donc où on découvre en effet que l'infirmière, là, l'ex-femme de Travis a été mordue, et que du coup il faut qu'il lui mette une balle dans la tête, que évidemment c'est Travis qui doit le faire, et que après il se soulage de cette mort dans les bras de sa nouvelle compagne. Enfin, j'ai trouvé ça tellement mal fait, tellement voilà. Donc si cette série n'avait pas existé, ça ne m'aurait absolument pas dérangé, puisque de toute façon vous le savez, je suis pas du tout fan de la série originelle. Après, est-ce que ça a apporté quelque chose? Je suis pas extrêmement convaincu. Après, peut-être que la saison 2 me fera démentir, mais là, en 6 épisodes condensés, énormément de choses comme ça, où on sait pas trop, où j'ai trouvé qu'on savait pas trop quel était le rythme, enfin. Donc non, voilà, mais mon avis ne doit pas vous surprendre, j'imagine. Mais il y a un moment où... Excuse-moi, Elodie. Il y a un moment où, dans la série, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce auquel je m'attendais. C'est à toute fin, que lorsqu'il y a l'infirmière qui est debout, il y a les zombies qui essaient de faire tomber les barricades là, pour rentrer. Je sais pas si vous voyez cette scène-là, ouais. De quoi je parle. Voilà, et elle se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent vraiment compte de l'horreur de ce qui se prépare ou de ce qui les attend dans le futur. Et c'est justement ça, ça manque énormément. Et t'as juste une petite scène de ce à quoi je pensais pouvoir avoir droit quand j'ai commencé la série. Oui, ou le moment à la fin du pilote, effectivement, où il tente de tuer le pote là, de... Oui, voilà. Exactement. Du jeune homme là, qui se relève, et il voit bien qu'il n'y a aucun moyen de le tuer. Et voilà, il y a aussi ça qui était intéressant, mais qu'on n'a plus eu du tout par la suite. Après, ouais. C'était un état de fait, et voilà. C'est qu'ils prennent pas le temps de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment. Ça. C'est ça. Comment on peut les tuer, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. C'est vrai qu'on n'a pas cette découverte. Alors que dans Walking Dead, on l'avait déjà plus à travers les yeux de Rick qui se réveillait. Oui. Ouais, tout à fait, exactement. C'est ce que je pensais également. Mais cette saison, j'ai trouvé qu'elle démarrait assez bas, dans le sens que c'était quand même assez lent et qu'il ne se passait pas grand-chose, qu'on découvrait, et qu'il y a eu une bonne montée de tension. Et comme tu disais, Léo, l'épisode 5, je trouve que c'était un peu le summum de cette tension, et que tout est redescendu dans le final, et que le final est vraiment pas réussi et que c'est complètement planté, quoi. C'est vrai que l'épisode 5, le fameux épisode intitulé Cobalt, qui était le nom de code de la série avant qu'on ne connaisse son vrai titre, était quand même, oui, dans les 6, celui qui se démarque vraiment des autres. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière, à la fin de l'épisode 2, quand on voit l'armée arriver, là je me suis dit, ça va être cool, ça va être intéressant. De voir un petit peu comment l'armée va faire face à tout ça. Est-ce que on va avoir droit aux traditionnels clichés de l'armée? Voilà, voir cette ville un peu barricadée, la protection des soldats, quel accueil allait leur être fait, etc. Voilà, comment de manière officielle le gouvernement allait gérer cette crise. Et puis très vite c'est passé. Très vite, ça a été passé sous le radar, et puis on a eu droit à, évidemment, il y en a un qui va se taper une gonzesse dans le village. Évidemment, au final, l'armée, c'est les gros méchants, c'est des gros salauds. Ils se barrent, ils enlèvent les gens sans raison, il y a des secrets à cause de l'armée, etc. Enfin voilà, on a eu droit à tous les clichés possibles qu'on a pu voir sur l'armée qui intervient dans une situation de crise. Et ça m'a gêné. Je vois une date, quoi. Non, mais il y a aussi, je trouve aussi certaines intrigues qui sont, qui, je sais pas si j'ai raté un chapitre, qui n'ont pas été résolues. Notamment le jeu de miroir. Il y a un moment où le gamin il voit dans un bâtiment au loin des jeux de lumière. Mais qu'est-ce qu'il se passe? On n'a jamais parlé de ça. Elle est résolue à la fin de l'épisode, on entend des tirs dans le bâtiment et on a compris que le mec qui était à l'intérieur s'était buté. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, bon, pareil, j'ai pas fait gaffe. Il y a une vue de loin sur ce bâtiment à la toute fin de l'épisode. Ça se passe la nuit, etc. Et tu entends plusieurs coups de feu et tu vois des éclairs lumineux un peu par la fenêtre de ce bâtiment et tu comprends que ce qui était dedans, ça fait dézinguer. Ah, j'ai raté ça alors. Mais effectivement, c'était assez discret. L'explication du qui et pourquoi. Mais... Oui, ben voilà, c'est. Ça, on l'aura. Oui, ça. Oui. On ne le saura jamais. Ouais. Comme tu dis, Mathieu, ça participe aussi à montrer que oui, l'armée, c'est dégueulasse, ils sont méchants, ils tuent des gens. Ouais, c'est bon, je pensais qu'on avait dépassé ça, et en fait. t'as aussi des petits. Parfois, certains clichés des films catastrophes. Même si c'est cliché, parfois c'est quand même bien de les avoir, comme par exemple les news TV avec en gros, je sais pas, BFM TV, les zombies attaquent, ou oui, bah oui. Commentateurs scandalisés, ça on n'a pas eu droit, on n'a pas vu. On l'a vu un petit peu sur la période de l'émeute. Mais l'émeute c'est filmé dans l'arme. Oui, mais on a eu quelques images de la télé aussi. Mais c'est sur l'émeute, c'est pas sur. C'est pas sur. Ce qu'on disait, c'est qu'on voit pas du tout l'invasion, on voit pas la chute de la. De la civilisation, de quelques civilisations, oui. On voit pas du tout ça, on passe directement de. Il commence à y avoir une petite émeute, les zombies commencent à arriver, mais les gens ne comprennent pas, ils pensent juste que c'est des humains, que la police tire sur des humains, qui se relèvent après 15 balles dans la gueule, hein. Mais bon. Apparemment, toute la population est stupide. Et après, on passe directement à la civilisation est détruite et on protège un quartier de la ville et on abandonne tout le reste. Hein. Bah, en même temps, ce que tu viens de dire, je pense que, je sais pas si c'est conscient ou si c'est inconscient, mais c'est un des messages que moi je retiens de cette saison. Les gens sont cons. Ah bah, clairement. Non, mais il suffit de regarder leur plan dans le final. C'est quand même de lâcher des milliers de zombies sur le complexe militaire alors qu'ils veulent rentrer dans le complexe pour sauver leurs amis. Enfin, pour sauver leur fils. Son fils et son ex-femme. Leur plan, c'est de se laisser envahir l'endroit où ils veulent aller. Quand même, tu peux pas faire plus. Et après, ils se disent, ah, mais il y a des zombies partout, on fait comment pour sortir? Bah, fallait réfléchir avant de balancer 2000 zombies sur la gueule de tout le monde. Donc oui, non, ils sont vraiment cons. Et même le policier, le militaire qui se fait avoir par la fille de, j'ai oublié son nom, Salazar, exactement, Ophélia. Et tu comprends pas comment psychologiquement il peut tourner, même tu vois pas ce qui se passe dans ta tête pour qu'il arrive à tuer, à tirer plutôt sur la fille. Lui d'ailleurs, oui, qu'est-ce qu'il lui a appris? Bah, exactement, c'est ça en fait, c'est que tu l'avais pas. J'ai pas compris, maintenant que tu le dis, oui. Et il a voulu se venger. Il a essayé de tuer sur le père ou directement sur la fille? Mais non, il a tué sur la fille. Au dernier moment, comme ça. Oui, c'est pas, il a voulu tuer sur le père et elle. Non. Directement sur la fille. Bah, il tient le père en joue et au bout d'un moment, comme ça, il pète un câble, il se tourne vers la fille et il la bute. Ah non, il la bute pas, mais. Oui, enfin voilà. Elle est pas morte, mais. Il lui tire dessus. Ah, c'est stupide, oui. Il n'y a pas de raison, on est d'accord. Enfin, Non, moi, pareil, j'ai pas compris. Il y a pas de raison. Surtout, la fille, elle était scandalisée par ce que le père faisait. Elle a jamais soutenu ce qu'il faisait. Et, voilà. Et s'il voulait vraiment se venger, il y avait trois personnes au moins sur qui il pouvait être. Bon, trois personnes, deux personnes. Le père, Salazar, il a. C'est sa fille, donc c'est ce qui le fera le plus mal. Oui. C'est vrai. Y a un truc, moi, qui m'a un petit peu rassuré. J'en avais très peur, hein, au début de la série. C'était un toxico, comme par hasard, qui découvrait pour la première fois le phénomène de l'invasion zombie, etc. Et je me suis dit, bordel, on va tomber dans un truc encore autour des toxicos. On va avoir droit encore à plein de trucs qu'on a déjà vus. Et finalement, ils ont quand même réussi à éviter quelques pièges. Et ce personnage-là était plus intéressant que ce qu'il aurait pu être. Il se remet quand même très vite de sa dépendance. Hein. Oui, mais après, ça peut être expliqué avec l'adrénaline, tout ça, machin. Bon, tu peux encore passer dessus. Mais je préfère à la rigueur ça, plutôt que de le voir en manque toute la saison. comme sa sœur qui était « Où est mon amoureux? Où est mon amoureux ?» Ah oui. Un petit message alors qu'elle sait très bien qu'il est mort. Mm. D'ailleurs, moi, je m'attendais, je m'attendais à ce que moi, un membre de la famille meure. Ah, c'est ce que j'avais dit au début de saison, je sais plus à qui je l'avais dit, mais j'avais dit, je suis sûr que Travis sur le passé. La façon dont il avait de se traîner en se déplaçant, ça donnait l'impression qu'il était un peu... Un peu un zombie. Un zombie, donc je me suis dit, bon, il va se faire shooter par la... Ouais, je pensais à Travis, quand il était entre les deux, quand il y avait son ex-femme et l'autre, d'un côté il abandonne son ex-femme, sa nouvelle femme, plus son fils, ouais. Je me suis dit, ils vont le buter. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, et du coup, c'est aussi l'avis d'Élodie. C'est un petit peu ce qui me surprend. J'avais cru comprendre que tu avais plus aimé que ça. J'aime bien, mais c'est pas genre la série que j'attendais absolument de voir chaque semaine. J'ai trouvé ça divertissant. Mais pas... Le milieu de saison était voilà, l'épisode, on va dire 3, 4, 5, avec un bon point fort pour le 5. C'était plutôt agréable à suivre, ça c'est clair. Juste voilà la résolution Bah c'est ça, en fait ça donne même pas envie de voir la suite spécialement. Non, c'est ça, c'est complètement con. Et ce plan là sur la mer qui va au large, mais ça sert à quoi à la fin? Je me suis dit, ça y est, vous emmenez sous l'eau, on va voir, il y a des zombies, tout ça, mais non. Non, c'est un petit effet artistique. Voilà. Genre ils sont dans un océan de merde et donc du coup on nous le matérialise bien. Et c'est pour ça que moi, la saison prochaine, je me dis, bon, ce sera soit ça, soit The Walking Dead, parce que quand tu vois le bateau loin, tu te dis, bon, bah, c'est reparti pour un groupe de survivants qui vont essayer de survivre. Oui, c'est ça. Quelle est la différence avec The Walking Dead? Après, ça peut être ce bateau qui était complètement coupé du monde, qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé pendant 2 ou 3 semaines, et qui va mettre pied à terre dans le début de la saison 2. Et ils vont arriver dans ce gros merdier. Et ça peut-être être plus intéressant que ce qu'on a vu. Mais je serais surpris parce que le bateau, c'était celui du... Ah oui, c'était celui du... Ah, c'est celui du mec. Ah, moi, j'avais compris qu'il y avait un autre où il y avait des gens dessus. Et voilà. Bah d'accord. Bon, c'est un mec et son moyen pour lui d'y échapper, justement. Ok, bon, bah je me suis fait des films et ça va être... Ok, et d'accord. Le mec, il a été introduit d'une façon, mais je sais pas si c'était pour mettre l'attention. Il a été introduit d'une façon, je trouve... Je m'attendais à ce qu'il ait vraiment... J'étais un peu déçu. L'introduction était très belle, hein. Le personnage qui avait la tchatch, entre guillemets, qui savait bien manipuler. Ouais, enfin bon, là, du coup, c'est... Et on a retrouvé Léo après ça, des connexions. Allô ? Ouais. Du coup, on va conclure sur cette saison 1 de The Walking Dead. Il y a pas grand, The Fear, The Walking Dead plutôt. Il y a pas grand chose de plus à en dire. Comme on est sur un bilan de saison, la tradition, c'est une petite note sur 5 pour cette saison. Et Arnaud, tu vas commencer. Sur 5, donc la moyenne, ce serait 2,5. Je vais mettre 2. D'accord. Elodie? 2,75. Irish? 2, pareil, Carlo. Ok, pour moi, 2,5 parce qu'il y a quand même eu des moments plutôt agréables qui compensent relativement la déception, donc 2,5, voilà, moyen sans plus. Ah, mon 2, c'est parce que justement il y a eu ces épisodes-là. Hein. Ah, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, allez, on va passer à la troisième et dernière partie de cette émission, le débrief de l'épisode, premier épisode de The Walking Dead pour la saison 6. Donc on revient sur la série principale qui a fait son retour dimanche dernier pour sa 6e saison, avec un épisode d'une durée allongée d'un peu plus d'une heure, dans lequel on a retrouvé la plupart des personnages qu'on avait vus s'en sortir à la fin de la saison 5. Un épisode qui alterne flashback en noir et blanc et temps présent en couleur, donc, et que je résumerai à une grande opération de déplacement d'un grand troupeau de plusieurs milliers de zombies qui ont été découverts à proximité d'Alexandria et que le groupe de survivants va devoir déplacer avant que la menace se fasse ressentir et que les digues tout simplement ne pètent et que le fond de zombies. Enfin, les digues, c'est des camions, mais c'est des digues, voilà. Et avant que ces digues ne pètent et ne balancent tous les zombies sur Alexandria. Alors donc cet épisode, le cadre est posé rapidement, très très rapidement, en juste 2-3 mots. On en discutera juste après. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui, à mon avis, fera débat entre nous. Donc juste, on va se positionner. Arnaud. Rapidement, on se fait chier, on nous prend pour des cons. Léo. Tout comme Arnaud. Élodie. Pas du tout comme Arnaud et Léo. Et c'est-à-dire? Non. J'ai trouvé que c'était un très bon retour. Ils nous prouvent, The Walking Dead, qu'ils savent toujours innover. D'accord. Irish? Moyen bien. Moyen bien, ok. Pour ma part, putain. Ah non, mais c'est quoi, c'est une arnaque, c'est une blague, il y avait une caméra, qu'est-ce qui se passe là? Qu'on nous rende The Walking Dead, enfin, à la rigueur, c'est ce qu'on a vu au final. Bah oui, je suis exactement ça. Moi, je trouve que. Je trouve un peu ce qu'est la série. Il y a ce côté avec le déplacement de zombies, cet immense déplacement de zombies. On a le côté lent, mais avec l'attention, ce qui a toujours été le point fort de la série. C'est hyper lent, c'est hyper chiant, mais c'est tendu. C'est bon, pas. Ah bon. Tendu sur les 5 dernières minutes quand tu sens que ça va partir en live. Moi, je dirais prévisible, puisque tu sens dès le départ qu'il va forcément y avoir un problème quelque part. Donc, t'attends juste ça. Tu dis, bon, reste encore un quart d'heure. Peut-être que le problème, il va arriver dans les 10 prochaines minutes. Mais moi, je suis prêt à ça. Je sais que c'est comme ça, là. C'est hyper chiant. C'est vraiment chiant. Mais, ah oui, c'est vraiment chiant. Là, je suis d'accord avec toi. Là. Voilà, mais c'est chiant, mais c'est ce qui fait la série. Ça a toujours été comme ça, The Walking Dead, en tout cas. Peut-être sur les dernières saisons qui sont... Moi, j'ai toujours connu la série très, très peu rythmée. Il y a quelques fulgurances, hein, on l'a vu dans la peu saison. Peu rythmée. Pardon. Trois épisodes sur 16 dans la saison 5 qui, moi, m'ont vraiment accroché et pour moi, sont des épisodes plus que bons, qui sont même excellents. Et puis le reste, bah, c'est... Voilà. Peu rythmé et lent ne veut pas forcément dire chiant. Oui, ça, je ça fait. Là, c'est devenu... C'était chiant avant. Là, c'est devenu chiant à mourir. Bah, tu vas dire que je me suis habitué, hein. Je me suis habitué à ça. Par rapport à la saison dernière, à ce que j'ai vu la saison dernière, je trouve que cet épisode-là, il était moyen ou bien. Ben, moi, j'ai préféré la saison dernière, donc. Ils ont montré justement, ils ont prouvé par le passé qu'ils savaient faire de très bons épisodes et tenir sur plusieurs épisodes à un niveau assez correct. Hein. Et là, ils te font un retour chiant. Mais en général, ils ratent souvent leur retour. On se souvient le retour de la mi-saison de la dernière. Le retour de la mi-saison la dernière fois avec Tyrese, c'était chiant à mourir aussi. Moi, je l'avais apprécié celui-là, et le retour de la saison 5, il était énormissime. Bah, moi, j'ai bien aimé, mais moi, j'avais toujours des doutes. Ils se sont confirmés plus tard. Mais plus encore, Arnaud, je trouve que par rapport notamment au mid-season là, auquel tu fais référence de la saison 5, et ça se retrouve d'ailleurs dans Fear the Walking Dead, c'est que ils savent pas tuer aussi leurs personnages, quoi. Enfin, là, il y a un problème de rythme et de trucs qui font que non seulement c'est chiant, mais en plus on se fout de notre gueule en nous sacrifiant un personnage pour nous dire ah bah vous voyez, regardez, c'est un peu magnifique. On a rien à faire. Personnellement, je connais même pas son prénom, oui. Mec. Ça aurait été mieux qu'il reste en vie un petit peu plus longtemps pour avoir l'antagonisme avec Rick en plus. Oui. Pour voir un petit peu ses relations. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il peut pas. Il a l'air très faiblard. Dans tous les membres de la communauté, il n'y a pas une personne qui peut s'opposer à Rick. Mais justement, là, on voit dans les flashbacks qu'ils sont en train de regrouper plusieurs personnes autour de lui. Donc ça aurait pu être un moyen on aurait pu avoir un affrontement entre deux groupes au sein d'un Alexandria qui veulent prendre le pouvoir. C'est comme les cannibales la saison dernière, c'est-à-dire que on nous a promis des cannibales super dangereux, tout ça, tu parles, ils sont laminés en 3 secondes. Oui, ils sont morts après un épisode. Beaucoup de gens ont trouvé cet épisode était génial, mais moi j'avais dit le cri, c'est nul à chier. Déjà, c'est très court. T'as un épisode, je me disais bon, ils avaient peut-être. On allait peut-être les avoir pendant 2 épisodes. Mais non, mais un épisode et c'était arrivé. Ouais. Ça représente bien The Walking Dead, des promesses qui ne sont pas tenues. Mais justement, c'est là, moi, sur cet épisode de reprise, là, on a vite compris que ça allait être un épisode concept, comme The Walking Dead en a fait quelques-uns, notamment la suite de la mort de Tyrese, que moi, j'avais apprécié. C'est pas le cas de tout le monde ici, je sais. Voilà, ils font quelquefois des petits épisodes comme ça qui se démarquent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, peut-être que... Et en fait, très vite, ça devient lourd, cette construction noir et blanc couleur, passé, présent, sans forcément en plus d'intérêt ni de lien entre les allers-retours. Voilà, c'est peut-être toi ce qui t'a séduit, Elodie ? Enfin, je trouvais que justement c'était original et que ça changeait de ce qu'on avait pu voir auparavant The Walking Dead. Malheureusement, le seul point négatif de ce truc, c'est que tout est sur l'épisode. J'aurais préféré limite qu'ils nous fassent des flash-forwards sur des choses qui se passeront un peu plus tard dans la série, qui nous donnent encore plus envie de voir la suite. Là, c'était juste la mise en place du plan de Rick. Qu'est-ce qui était original ? Parce que la construction flashback présent, flashback présent, là, je crois que la série l'a déjà fait, c'était déjà fait ailleurs. Donc pour toi, tout ce qui est original, c'est le noir et blanc, et que ça d'original. Dis-moi à quel moment ça a été fait dans la série, à part l'épisode de Tyrese qui était un peu construit, et encore c'était pas exactement la même. Non, c'était pas tout à fait ça Tyrese, c'était pas juste la série au début. Je sais plus, il y a peut-être eu. Il n'y a pas eu un seul épisode de The Walking Dead qui avait cette construction. D'accord, mais en quoi c'est original, cette construction d'épisode, en quoi c'est original? Je sais pas, c'est original pour la série, on n'a pas eu tout l'habitude de voir ça dans The Walking Dead. Non, ça c'est vrai, on peut le concéder au moins à Elodie, c'est vrai que ça a été d'accord. Un peu déstabilisant et surprenant. Ça n'a rien d'original puisque ça a déjà été fait ailleurs et mieux que ça, puisque là. Franchement, comme Mathieu l'a dit, les passages du passé au présent n'avaient aucun sens. Pour développer 3 secondes d'intrigue, et encore si on peut appeler ça une intrigue, au final, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a eu quasiment aucune intrigue de fait pendant le présent. C'est juste suivre des zombies qui suivent Daryl et je ne sais plus qui. Et dans le passé, c'est la construction de barrages. Mais il n'y a aucun développement, les personnages sont au même point au début et à la fin de saison quasiment, il n'y a quasiment rien. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, par contre, vous m'entendez ? Vas-y. Oui. Moi je trouve que justement les flashbacks ils ont une importance parce qu'ils expliquent en gros le pourquoi de la marche. Et quand tu dis qu'il n'y a pas d'évolution entre les personnages, je suis pas d'accord parce que la marche c'est la preuve que Rick a pris le mais il avait déjà pris le pouvoir dans le final. Du final il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir, il a parlé aux gens, il a dit ce qu'il voulait. On lui a pas donné l'approbation. Pour le coup, effectivement, je suis tout d'accord avec Eric et Elodie. Désolé, il fallait avoir d'autres cuits pour pas comprendre qu'il prenait pas le pouvoir. Il avait pris l'ascendant, mais il avait pas les clés d'Alexandria. Oui, c'est ça, il a un ascendant, il est pas. Je trouvais qu'il l'avait bien amené de manière subtile. Il l'avait dit de manière subtile, pour une fois dans The Walking Dead. Même quand tu vois, il propose son plan, c'est une proposition, c'est pas une obligation. Pas vraiment une proposition, il le force quand même. Non, c'est le mec qui a au final qui donne l'approbation. Non, parce que du coup, oui, effectivement, il force pas, parce que de toute façon, si personne ne peut pas le faire, donc lui, il essaye de convaincre. Et justement, à ce moment-là où on lui donne les clés d'Alexandria où il prend le pouvoir, avant, il n'avait qu'un ascendant psychologique, on va dire, suite à ce qui s'était passé à la fin de la saison 5, mais c'est là, dans ce débat-là, dans le salon, où vraiment on lui donne le pouvoir. Et carrément, on lui donne les clés de la ville. Quoi. Là, C'est à ça que servent les flashbacks à montrer. Que, mais juste les 2-3 premiers flashbacks, après c'est tout. Le reste sur les autres. Ensuite, tu as le flashback avec les autres qui préparent leur petite rébellion. Ça te permet de te montrer aussi que bon, il y a quand même une petite mutinerie qui se prépare où tout le monde met ça. Rien, puisque 2 secondes après, l'autre est tué. Oui, je suis d'accord, mais peut-être ça va travailler dans les prochains épisodes. Pour les autres qui restent en vie, ouais, et encore. On va travailler maintenant. Les autres, on les connaît pas non plus. Allez, on va laisser Elodie un petit peu s'exprimer et défendre. Parce qu'apparemment, je la laisse pas parler. C'est sûr que j'ai pas parlé là depuis le début. Hein. Tu comprends maintenant par rapport à Gotham, Elodie? Allez, Elodie. Non, je suis pas d'accord pour dire qu'il se passe rien, parce qu'au contraire, en effet, Rick, il avait pas pris le pouvoir, il envisageait de le faire, et là, on a à peu près les conséquences de son acte du season final. On a aussi les retrouvailles avec Morgan, on en a pas vraiment évoqué, mais au final, on a... Il a parlé 5 secondes. Arnaud, laisse la parler, voyons. Vous pouvez réagir, mais je suis pas d'accord. Ils ne parlent pas que 5 secondes. Au contraire, on voit que justement, ils essayent de créer quelque chose tous les deux tout au long de l'épisode. On voit aussi les réactions un peu des autres et comment Rick essaye de changer l'état d'esprit du groupe d'Alexandria en disant qu'il faut maintenant qu'ils arrivent à survivre et pas seulement à essayer de vivre complètement isolé de la réalité. Ensuite, nous avons toute l'histoire avec la Horde. Donc, peut-être que vous avez trouvé qu'il ne se passait rien du tout, mais alors moi, je me suis ennuyée une seconde avec cette histoire de Horde en me demandant qu'est-ce qu'ils allaient vraiment réussir à faire ou pas. Je suis d'accord. Notamment avec le petit intermède, avec les zombies qui sont enfermés dans le supermarché. Il ne faut pas qu'ils fassent du bruit, il faut qu'ils les tuent tous pour pas que les zombies dévient de la route tracée. Je suis d'accord, c'était pas si. Je trouvais que c'était lent, comme d'habitude, mais voilà, c'est pas chiant, il y avait quand même un petit intérêt. D'accord. Alors, moi, j'ai pas tout compris pourquoi au début ils auraient pu brûler toute la horde de zombies là quand ils étaient dans le trou, mais bon, ça c'est encore autre chose. Bah voilà, et puis c'était fait quoi. Oui, oui, mais bon, voilà, après moi je suis peut-être un peu trop violente. Hein. Non, non, mais t'as raison, mais c'était la solution, tu fais tout. J'ai pas compris pourquoi ils avaient. Mais c'est un peu plus dangereux quand même, parce que si tu les enflammes et qu'après ils se baladent et tout avec le feu. Ouais, ils sont mieux d'une carrière, a priori. Pas les gens. Ouais, ouais. Pardon, il y a des cailloux, enfin voilà. Y a là, quoi. T'as quand même 1000 zombies qui. Déjà, voilà, qui suivent une route. Déjà, ils suivent la route, pour commencer, ce qui est étonnant. Ils suivent une route et ils peuvent se barrer de tous les côtés. Là, ils sont enfermés, tu les crames, comme Elodie disait. C'est réglé. Il y en a peut-être 2-3 qui vont se barrer, mais tu les rattrapes et tu les termines. Hein. Sur la route, ils suivent les bruits de voitures et de motos. Ils sont plutôt bien dirigés, c'est... Et je trouve aussi que c'était assez impressionnant de voir autant de zombies en un... Dans un seul épisode, oui. Sauf que, chose qu'on n'a pas spécialement vu dans The Walking Dead, même si on a eu plusieurs trucs avec plein de zombies, autant d'un coup... Non, ils avaient annoncé que c'était l'épisode qui avait le plus de zombies. Ouais, depuis le début. Avec des pétants, quand même, ça faisait toute la série. Ils venaient tous du stade. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu autant de zombies, quoi. Mais je dis ça, c'est-à-dire que, en fait, de manière plus générale, la dernière saison a beaucoup insisté sur les rapports humains, et les zombies, il y en avait 2-3 à l'arrache, comme ça, et... Ouais. Et voilà quoi. C'était pas plus mal au final. Oui, ce que tu veux dire, c'est que là, on remet un peu les zombies au centre du jeu. Oui, et je trouve que les zombies ont jamais été les principaux. Et peut-être qu'on aura le retour de cette menace un peu qui pesait sur eux, comme autour de la prison, où là, on sentait vraiment les zombies comme étant une vraie menace, et après plus du tout, ou beaucoup moins. Donc peut-être qu'on aura ce retour-là avec une Alexandria assiégée. C'est possible. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'attendrais plus ça de la série, quoi. Parce qu'après, elle s'est un peu perdue dans cette espèce de manière de tenter de nous opposer des factions, des groupes et tout, avec des manières plus ou moins heureuses, surtout moins, de mon point de vue. Et voilà. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances, du coup, après, avec son spin-off. Enfin, les deux me semblent quasiment identique dans la manière de faire, dans le voilà, c'est toujours aussi tiré quoi. Tu ressens pas, c'est même plus finalement un problème de, pas forcément un problème de rythme, puisque de toute façon beaucoup de gens ont assimilé que c'était quelque chose d'un peu ennuyeux, que c'était pas forcément rythmé, etc. Mais surtout, c'est par rapport au spectateur, je trouve qu'il n'y a plus aucune surprise, que du coup on nous amasse les zombies pour nous dire regardez, on est là, mais que voilà, c'est un peu gros, vraiment littéralement. Et c'est ça peut-être aussi qui fait que Arnaud trouve qu'on se fout un peu de sa gueule. La structure en flashback aussi, c'est je pense aussi, ouais, voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que maintenant ils essayent tellement, enfin ils essayent de nous ressortir des concepts tels que les flashbacks, les flash forward, le noir et blanc, et puis enfin inventer le noir et blanc, nous faire croire à une espèce de, enfin pour nous faire croire qu'ils sont originaux, mais sauf que c'est un peu une supercherie. Moi, depuis un certain temps, j'ai l'impression d'assister à une supercherie face à cette série. Et quand j'ai vu le final de Fear the Walking Dead, j'ai repensé à plein de choses voyant de la série mère, qui font que, enfin, sauf que voilà, tout ça après tout s'écroule après quand il s'agit de conclure, surtout au niveau des idées. C'est ça qui me gêne le plus. C'est ça, cet épisode. Enfin. Voilà, à chaque fois j'ai espoir, à chaque fois je suis déçu. Ils se posent pas la question, par exemple, quand ils font le final de The Walking Dead avec tous les zombies qui viennent du stade, là, et que dans le premier épisode de The Walking Dead, t'as encore plein de zombies qui sont enfermés dans un endroit. T'as l'impression, est-ce que c'est les mêmes scénaristes, ils se parlent pas, ils récitent un peu la même idée, bah tiens, on va reprendre encore une idée où il y a des centaines de zombies, et là, il va falloir les diriger. On va trouver ça, c'est peut-être le petit truc négatif qui, peut-être, c'est une façon de faire un pont entre les deux séries, hein, mais c'est pas très subtil. Moi, c'est, je sais pas ce qui va arriver dans les épisodes qui arrivent, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais pas que Alexandria soit déjà détruite ou qu'il retourne sur la route à chercher un autre abri, de l'eau, machin. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'espère pas. Je pense que dès le début de l'épisode 2, on va avoir la résolution de cette histoire. Peut-être, mais je suis sûr. Pour moi, je pense que c'est le premier épisode de The Walking Dead qui m'a autant frustré et où à la fin je me suis dit putain, je veux voir la suite. Bah moi pas, parce que justement, je suis persuadé qu'au bout de 5 ou 10 minutes du prochain épisode, ça sera réglé. Il va y avoir un Deus Ex Machina ou un truc, ils vont sortir quelque chose de leur chapeau qui va faire que finalement tout ça, ça va être annulé et qu'on va pouvoir repartir sur Alexandria et la marche vers Negan et compagnie. Et voilà. Ça serait dommage que ça soit aussi facile en effet. Ouais, je suis d'accord avec toi, ce serait très dommage. Et puis les fameux Wolves, là aussi, enfin tout ça. Voilà. Oui, mais en même temps, il y a un klaxon, donc le klaxon, quelqu'un l'a déclenché. Ouais, mais oui, c'est ça, justement. C'est ce qu'on dit, ils vont résoudre ça rapidement, pour ensuite enquêter sur qui a lancé le klaxon. Et c'est ce qu'on disait, ça va être Negan, les Wolves, ce qu'on a vu l'année précédente, etc. C'est ça aussi que je trouve un peu gros, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a sorti l'espèce de coup de klaxon pour nous dire, oh là là, enfin nos aventuriers sont dans une position un peu précaire. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et là, ils sont observés par quelqu'un qui va oui, enfin, on nous a déjà sorti ça plusieurs fois et pas plus tard que la saison dernière avec. Avec comment il s'appelle, j'ai oublié le nom de celui qui les amène à Alexandria. Le recruteur. Hein. Recruteur, oui, j'ai oublié son nom. Aaron, bah c'est ça. Et c'était déjà ça quelque part. Lui aussi déjà, il les observait. Mais j'avais une question par rapport aux comics. J'imagine que la série est loin maintenant de la trame des comics, ou je me trompe? Mais alors, il y a des choses dans l'épisode, des choses très très discrètes qui nous montrent que on va pouvoir se rapprocher prochainement de fameux arcs avec Negan, etc., et que certains personnages risquent d'avoir un destin comme dans les comics. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une grossesse qui a été annoncée de manière assez subtile. Ah, j'ai pas vu. Ah. Pour changer. Ah, celle de... La copine de Glenn. Ah oui. Pourquoi ne veut-il pas qu'elle participe, machin? On le voit dans leur conversation après, elle dit, de toute façon, toi et moi, on sait bien qu'il n'y a pas que ça. Donc, je me suis posé la question si la saison précédente j'avais oublié qu'elle était enceinte. Non, je pense qu'elle l'est depuis. Donc ils vont buter Glenn puisqu'il va avoir un gosse, moment dramatique. Forcément. Non, ils vont buter Maggie et le gosse va naître et le gosse va tuer sa mère. On verra, plein de choses sont possibles, mais en tout cas, c'est des petits éléments qui peuvent nous raccrocher à certaines choses qu'on a pu voir dans les comics. No, vous n'avez pas trouvé un petit peu contradictoire, par exemple, le fait que bon, c'est quand même une bande qui est très sérieuse, qui, dès qu'ils se sentent menacés par des personnes extérieures, ils n'hésitent pas, et que là, Glenn, quand même, avec dans la saison précédente, ils sont allés dans la forêt, il a failli se faire tuer là. Qui lui laisse une seconde chance comme ça et qui redevienne pote alors qu'il est à deux doigts de le tuer. Moi, j'ai trouvé ça un peu contradictoire avec ce que Groupe est vraiment. Ouais, oh, on est plus à ça près. Pas très grave. Voilà, cet épisode, en tout cas, je trouvais des bonnes petites. Moi, la seule chose qui m'a intéressé dans cet épisode, c'est Morgane. Oh. Et j'étais assez déçu parce que j'avais beaucoup d'espoir en le fait qu'il puisse être celui qui se laisse pas tromper par Rick. Bah oui, c'est ça. Moi, je pensais aussi qu'ils allaient plus mettre Morgan un peu au centre de l'échiquier, parce que finalement quand même la saison 5 elle se finit sur lui, quoi, elle se finit sur sa gueule et au final comme dit Arnaud, c'est réglé en quelques secondes cette affaire. Autant Rick, Morgan, etc., mais autant lui il doute vachement de Rick et qui est ce type là, qu'est-ce qu'il est devenu exactement. Je pense que ça va être un peu un des points centrales de la saison, où il y a Rick qui a son côté un peu très mécanique, c'est blanc ou noir, c'est toi avec tu es avec moi ou tu es contre moi. Et on voit que Morgan, il a un côté beaucoup plus humain, il croit encore à l'humanité, j'ai l'impression, lui. Par exemple, ça se voit avec la scène où t'as des walkers qui attaquent le groupe qui est en train de faire les coutures, hein. Et Rick qui leur demande de ne pas intervenir pour qu'ils puissent se défendre d'eux-mêmes. Et Morgan, au bout d'un moment, il intervient parce que voilà, lui, c'est pas... Il est un peu plus humain et il veut toujours encore plus aider. Moi, je crois qu'il croit encore à l'humanité, ce qui est totalement contraire à ce que Rick. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive encore à avoir de l'humanité en Rick. Ouais. Bah, Rick, il en a plus, justement. Mais lui, il en voit encore. Il lui dit, c'est toujours toi. Ah, c'est vrai, d'accord. Il va pouvoir se poser en anti Abraham, là, le père, enfin, le prêtre, là, qui, moi, me tapait sur le système. Et Morgan. S'il est pas caricatural, s'il le rende pas caricatural, je croise les doigts, hein, pour que ce soit pas juste un espèce de moralisateur à la con, il pourrait devenir un espèce de de facteurs suggestifs et un petit peu bah, un petit peu désorientant quoi pour Rick au sens de son ambition justement. Allez, on va conclure quand même sur ce débat juste pour vous demander la suite de la saison, elle se fera avec ou elle se fera sans vous? Elodie, avec toi évidemment. Mais vous avez tous pas aimé, mais je suis sûre que vous allez tous la voir en entier cette saison. Hein. Ah, moi j'ai pas dit que j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Non, je pars au Inland Soft, t'aurais pu. Presque parce que je participe à tous les podcasts, effectivement, je me sens un petit peu au moins qu'obligé de regarder au moins d'un avis. De même, hein, je me suis bien tapé Gotham pour le podcast Gotham. Donc, Moi, en tout cas, voilà, sans podcast, effectivement, je pense que j'aurais peut-être même arrêté depuis longtemps. Là, cette transhumance, là, parce que franchement, c'est une transhumance hein, qu'on a vue. Ceux qui ont aimé l'épisode, moi, je vous conseille de regarder des documentaires sur la transhumance. Hein, je vous en ai cherché. Bah, c'est ce que je fais tous les week-ends, monsieur. Vous avez Hiver Nomade, hein, qui est un film suisse. Vous avez Sweetgrass, qui ont l'air pas mal aussi, un film américain. Deux documentaires sur la transhumance. Regardez ça. La marche de l'impérateur. On n'en veut pas dans The Walking Dead. Donc moi j'aurais arrêté depuis un petit moment et je pense que j'aurais aussi arrêté avec cet épisode s'il n'y avait pas eu les émissions. Bah moi on va dire que je vais y aller pareil à couteau tiré, après à décocher toutes les boulets rouges, mais moi ça va être genre tout en bas, mais plus en bas qu'en bas de ma liste de priorités, quoi, parce que ah oui, c'est clair. Non mais fais pas regarder chaque semaine. Hein. Ce sera des marathons pour les émissions. Oui voilà c'est ouais. Ça, c'est-à-dire que cette série m'agace déjà assez profondément depuis la fin de la saison 4. Il y a un moment faut arrêter les frais. Elle a tenu 4 saisons avant d'être agacé. Moi je te dis chapeau. Oui, bah c'est parce que je regardais avec des potes, alors forcément ça atténue un petit peu le truc, on va dire. Moi la 2 ça m'a suffi. Certes. Même la une déjà m'avait déçu. Oui, moi aussi. C'était la deuxième partie, c'était pas terrible. La une, j'ai bien aimé. La une, deux aussi, trois, pour commencer déjà un peu à me barber. Mais bon. Je tiens toujours. Je pense que je vais continuer. Surtout qu'il y a quelques séries qui vont sauter de mon calendrier. Quelques séries que je vais arrêter. Limitless ou Minority Report. Donc je pense que je vais continuer à regarder. Moi, c'est Fear the Walking Dead m'a rappelé à quel point. Je pouvais plus saquer la franchise zombie de AMC, quoi. Allez, ça nous servira de conclusion après cette émission fleuve. Je te dois dire que moi je vais continuer. Mais évidemment, mais bon. Et comme moi, je vais continuer Gotham, Elodie. Hein. T'en fais pas, on va être. La question se posait même pas te concernant. On va être des parias, Elodie, tu vas voir. Mais moi, tu vois, Gotham, j'ai osé l'arrêter, tu vois. Ah, mais Gotham, c'était. C'est obligatoire, c'est obligatoire, on peut pas, c'est pas possible. Attention à ce que tu dis, toi. Hein. Voilà, ça conclura parfaitement la première participation d'Irish à nos podcasts. On se retrouve alors lundi sur la page YouTube pour la sélection VF, mardi pour le mag numéro 27, et la semaine prochaine, on va rester dans les zombies puisqu'on vous parlera de l'autre série de zombies, celle de la CW, iZombie, qui a fait son retour pour sa saison 2. Il y a maintenant. Alors, retour de quoi? J'ai pas entendu. iZombie. iZombie, d'accord. Voilà, qui a fait son retour il y a 2 semaines maintenant. Voilà. D'ici là, bonne semaine, bonne série. N'hésitez pas à réagir à cette émission et à nous donner votre avis sur ce lancement de la saison 6 de Walking Dead, notamment, qui fait débat, qui continuera, à mon avis, à faire débat dans les prochaines émissions de la saison. Et d'ici là, évidemment, bonne série. Salut. Salut. Salut.